بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. Bienvenue dans le podcast Revivification du cœur. Je suis musulman lambda. Ce podcast est destiné à la diffusion des principes de l'islam aux francophones. Il s'agit principalement de lectures destinées à être méditées, approfondies et remises en question. Les seuls prérequis étant le respect, l'ouverture d'esprit et l'esprit critique. Tel un bon arbre. Selon le Coran, l'homme doit être comme un bon arbre. Un bon arbre est une analogie naturelle pour un homme bon. La traduction des versets pertinents se trouvant dans le chapitre Abraham est la suivante. Que ne médites-tu pas à propos de la parabole par laquelle le Seigneur représente la bonne parole? Elle est comparable à un arbre saint, dont les racines sont fermement implantées dans le sol et dont le branchage se dresse vers le ciel, produisant ses fruits en permanence par la volonté de ton Seigneur. Allah propose des paraboles aux hommes, puissent-ils méditer à leurs propos. 14, 24 à 25. L'arbre est un phénomène unique de la nature. En outre, l'arbre définit un exemple pour l'homme. Il est nécessaire pour l'homme de transposer la culture de l'arbre dans la vie humaine. Cette culture sous-entend d'être enraciné, étendu et de donner à tout moment des avantages. Un homme bon est celui qui est comme un bon arbre. Qu'est-ce qu'un arbre? Un arbre commence à partir d'une graine, puis il se transforme en une plante, puis un tronc fort, puis des branches et des feuilles, puis des fleurs et des fruits. Une pierre ne peut pas se développer, mais un arbre pousse sans cesse, jusqu'à ce qu'il devienne complètement verdoyant, avec beaucoup de beaux attributs, comme décrit dans le verset coranique. La même chose est requise de l'homme et de la femme. Tous les hommes et toutes les femmes doivent se développer comme un arbre. Là où l'arbre se développe en termes physiques, les hommes et les femmes doivent développer les mêmes qualités en termes de moralité. Chaque être humain devrait s'établir fermement sur ses racines. Il devrait être fort comme un tronc d'arbre. Il devrait avoir un caractère plein d'énergie comme les feuilles. Il doit prouver lui-même qu'il est fructueux pour la société. Il doit transmettre aux gens la positivité de la vie. Tout comme un arbre procure de l'oxygène frais à l'homme, et il doit fournir un abri à son prochain. Un arbre vert embellit notre monde. Sans arbre, notre terre serait stérile. Un arbre est un membre donateur de notre monde. Il donne tout, mais sur une base unilatérale. Par exemple, un arbre fournit continuellement de l'oxygène frais, mais il n'envoie jamais de facture pour cela. Un comportement similaire est nécessaire pour les hommes et les femmes. Hommes et femmes doivent vivre dans leur société en tant que donateurs. Ils doivent adopter cette culture sur une base unilatérale. Ils doivent vivre dans leur société de telle manière que la société peut toujours bénéficier d'eux. Comme cela, les hommes et les femmes peuvent faire de leur société un beau jardin. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a apporté beaucoup de choses positives. N'oubliez pas de vous abonner au podcast Revivification du cœur et à partager son contenu. À bientôt pour un prochain épisode, si Allah le veut. J'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah, seul sans associé, et j'atteste que Muhammad est son serviteur et son messager.